بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله دي 24e assise des caractéristiques des gens du paradis. Qu'Allah nous compte parmi eux par sa grâce et sa générosité. Louange à Allah qui a formé les choses et les a perfectionnées par sa création, qui a fondu les cieux et la terre alors qu'ils étaient un tout compact. Par sa sagesse, il a réparti les serviteurs en heureux et malheureux, les gens du paradis et de l'enfer. Et il a établi pour le bonheur des causes que celui qui est le plus pieux a emprunté. Ce dernier a regardé les conséquences avec l'œil de la clairvoyance et a choisi ce qui est éternel. Je le loue sans jamais pouvoir lui rendre la louange qui lui est due de droit, et je le remercie car il n'a cessé d'être digne de gratitude. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, le possesseur de tous les êtres. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, le plus parfait des hommes en caractère et en constitution. Qu'Allah le vante et le préserve, ainsi que son compagnon Abu Bakr as-Siddiq, qui a devancé tous les suiveurs en mérite, Omar le juste qui ne favorisait personne, Othman qui s'est livré au martyr sans chercher à se protéger, Ali, celui qui a vendu ce qui périt pour acheter ce qui demeure, et également sa famille et ses compagnons, les véritables soutiens de la religion d'Allah. Mes frères, vous avez entendu la description du paradis, de ses délices et de la joie, de l'allégresse et du bonheur qu'il renferme. Par Allah, il est certes digne que les travailleurs œuvrent pour lui, que les rivaux se le disputent, et que l'homme consacre sa vie à sa recherche en se détournant de ce qui est vil. Si vous interrogez sur l'œuvre à accomplir et sur le chemin qui y mène, Allah l'a certes clarifié dans ce qu'il a révélé par sa révélation à son plus noble messager. Allah Azzawajal dit « وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Et hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Voici plusieurs caractéristiques parmi celles des gens du paradis. Donc le cher, après avoir cité les caractéristiques du paradis, cite les caractéristiques des gens qui y entrent. Première caractéristique, al-muttaqin, les pieux, qui sont cités dans le verset. Ce sont ceux qui se sont prémunis contre le châtiment de leur Seigneur en se protégeant par l'accomplissement de ce qu'il leur a ordonné, par obéissance et espoir en sa récompense, et par le délaissement de ce qu'il leur a interdit, par obéissance et crainte de son châtiment. Deuxième caractéristique, alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité. Ils dépensent de ce qui leur a été ordonné de dépenser de la manière requise, qu'il s'agisse de la zakat, des aumônes, des dépenses envers ceux dont ils ont la charge, des dépenses pour le djihad ou d'autres voies du bien. Ils dépensent ainsi dans l'aisance comme dans l'adversité. La prospérité ne les pousse pas à l'amour excessif des richesses ou à l'avarice par désir d'augmentation. Et la difficulté ne les pousse pas à la rétention d'argent par peur du besoin. Troisième caractéristique, wal-kadhimin al-ghayz, ceux qui dominent leur rage. Ce sont ceux qui répriment leur colère lorsqu'ils s'emportent, de sorte qu'ils ne commettent pas d'agression et ne nourrissent pas de rancœur envers autrui à cause de celle-ci. Quatrième caractéristique, wal-afin an-nas, ceux qui pardonnent à autrui. Ils pardonnent à ceux qui les ont lésés ou ont transgressé à leur égard, et ne se vengent pas pour eux-mêmes alors qu'ils en ont la capacité. Dans la parole d'Allah Azzawajal, « Wallahu yuhibbul muhsinin », il y a une indication que le pardon n'est louable que s'il relève de la bienfaisance, c'est-à-dire qu'il soit opportun et qu'il mène à une réforme. Quant au pardon qui ne fait qu'accentuer le crime du transgresseur, il n'est ni loué ni récompensé. Allah Azzawajal dit « Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah » mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Donc ça c'est une remarque très importante que fait Cheikh. Car certaines personnes pensent que le pardon est général, mais il est loué lorsque ça amène à une réforme de la part de la personne à qui on pardonne. Quant à quelqu'un qui ne se réforme pas, alors le laisser ou le pardonner, il n'y a aucun bien en ça. Et également, ça concerne ceux qui sont lésés dans leur personne, mais pas ce qui relève du dîn, pas ce qui relève des châtiments du dîn, des châtiments qui ont une sanction dans la législation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Fatima bint Mohammed avait volé, je lui aurais coupé la main. Donc ça, ce n'est pas à pardonner, car ça ne revient pas au serviteur. C'est le jugement d'Allah, Zawajal, et il convient de l'appliquer. Cinquième caractéristique. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. La turpitude, al-fahisha, désigne les péchés les plus graves et hideux, à savoir les grands péchés, al-kaba'ir, comme le meurtre d'une âme sacrée sans droit, la désobéissance aux parents, l'usure, al-riba, la consommation des biens de l'orphelin, la désertion au combat, alors que l'ennemi fait face à l'armée des musulmans, l'adultère, le vol et d'autres péchés majeurs similaires. Quant au fait de causer un préjudice à sa propre âme, dhulmun nafs, c'est un terme plus général qui englobe à la fois les petits et les grands péchés. Ainsi, lorsqu'ils commettent l'un de ces actes, ils se souviennent de la grandeur de celui à qui ils ont désobéi et le craignent. Ils se souviennent de son pardon et de sa miséricorde et s'efforcent d'en obtenir les causes en demandant pardon pour leurs péchés, sollicitant qu'il soit dissimulé et que le châtiment soit levé. Dans sa parole, Azza wa Jal, « وَمَنْ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ » Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah ? Il y a une indication qu'il ne demande le pardon à nul autre qu'Allah, car nul autre que lui ne pardonne les péchés. Car en islam, comme il est évident de demander pardon à celui qui pardonne, et c'est Allah Azza wa Jal, et c'est celui qui châtie le pécheur. Et quand on voit les chrétiens qui demandent pardon ou qui indiquent leur péché au curé, par exemple, et il leur dit que dit telle chose et t'es pardonné, Allahu Akbar, un bachar qui dit t'es pardonné ou t'es pas pardonné, la hawla wa la quwwata illa billah, ce sont des idiots. Sixième caractéristique, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ne persistent pas dans la pratique du péché alors qu'ils savent que c'est un péché, qu'ils connaissent la grandeur de celui à qui ils désobéissent et qu'ils savent que son pardon est proche. Au contraire, ils s'empressent de s'en détacher et de s'en repentir. Car la persistance dans les péchés avec cette connaissance transforme les petits péchés en grands péchés et entraîne l'auteur vers des situations périlleuses et difficiles. Allah Azza wa Jal dit « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ » والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zaka et qui préservent leur partie charnelle, sauf avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, ils ne sont pas blâmables. Mais ceux qui cherchent au-delà de cela sont des transgresseurs. Et ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements, et qui observent strictement leur salat, ceux-là sont les héritiers qui hériteront le Firdaus pour y demeurer éternellement. Donc on avait vu que le Firdaus, c'est le milieu du paradis et le haut du paradis. Et au-dessus, il y a le trône d'Allah, Azzawajal. Et de là, du Firdaus, coulent les rivières du paradis. Ces nobles versets ont ainsi rassemblé plusieurs caractéristiques parmi celles des gens du paradis. Première caractéristique, al-mu'minun, les croyants. Ce sont ceux qui ont cru en Allah et en tout ce qu'il est obligatoire de croire. Ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier et le destin, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est-à-dire les piliers de la foi, les six piliers de la foi. Ils y ont cru d'une foi qui implique l'acceptation, la soumission et l'engagement, tant par la parole que par les actes. Deuxième caractéristique, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui sont humbles dans leur salat. Leurs cœurs sont présents et leurs membres sont paisibles. Ils ont conscience, durant leur salat, qu'ils se tiennent devant Allah, Azza wa Jal, qu'ils s'adressent à lui par sa parole, c'est-à-dire en récitant le Coran. Se rapprochent de lui par son évocation et cherchent refuge auprès de lui par l'invocation. Ils sont donc humbles, tant intérieurement qu'extérieurement. Troisième caractéristique, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, ceux qui se détournent des futilités. La futilité, Allah, englobe tout ce qui n'apporte ni profit ni bien, qu'il s'agisse de paroles ou d'actes. Et il y en a énormément à notre époque. plus que les époques d'avant. Wallah al-musta'an. Les koufars font énormément d'efforts pour apporter de plus en plus d'utilité, car c'est ce qui fait que leur peuple reste soumis à eux. Ils s'en détournent par la force de leur volonté et leur fermeté. Ils ne consument leur temps précieux que dans ce qui est utile. De même qu'ils ont préservé leur salat par l'humilité, ils préservent leur temps contre le gaspillage. Et s'ils se détournent des futilités, ce qui est sans intérêt, leur détournement de ce qui est nuisible est, à plus forte raison, encore plus certain. Et dans les Sunan, d'après Abu Barza al-Aslami, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tazulu qadama abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala fi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa wa an jismihi fima abla. Les pieds du serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection tant qu'il n'aura pas été interrogé sur quatre choses. Sur sa vie, comment il l'a consumée? Sur sa science, qu'en a-t-il fait? Sur ses biens, comment les a-t-il acquis et dans quoi les a-t-il dépensés? Et sur son corps, dans quoi l'a-t-il usé? Cheikh Al-Albani l'a authentifié. Et dans les deux sahihs, après Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ni'matan marbounun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal-farah. Il y a deux bienfaits que beaucoup de gens gaspillent: la santé et le temps libre. Le cheikh dit ensuite, quatrième caractéristique: Walladina hum li zakati fa'ilun, ceux qui s'acquittent de la zaka. Il est possible que le sens voulu par la zaka soit la part obligatoire à verser sur les biens qui y sont assujettis. Il est également possible que cela désigne tout ce qui purifie leurs âmes, que ce soit par la parole ou par l'action. Cinquième caractéristique: Walladina hum li furujihim hafidun. Et qui préservent leur partie charnelle, sauf avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car ils ne sont pas blâmables. Ils préservent leur partie charnelle, leur sexe, de l'adultère et de la sodomie, en raison de la désobéissance à Allah et de la déchéance morale et sociale que ces actes impliquent. La préservation du sexe englobe probablement un sens plus large, incluant aussi le fait de le préserver du regard et du toucher d'autrui. Dans sa parole, fa'innahum ghayru maloumin, car ils ne sont pas blâmables, à ce moment-là, il y a une indication que l'origine est le blâme de l'homme pour cet acte, sauf avec l'épouse ou l'esclave, car il y a un besoin de répondre aux exigences de la nature, d'assurer la descendance et d'autres intérêts. Et dans la généralité de sa parole, faman ibtara wara adhalika fa'ulaika humul adun, mais ceux qui cherchent au-delà de cela sont les transgresseurs, il y a une preuve de l'interdiction de la masturbation, car c'est une pratique hors du cadre des épouses et des esclaves possédés. Et on peut citer également le hadith rapporté dans les deux sahih, d'après Abu Huraira, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah kataba ala ibn Adam haddahu min az-zina, adraka dhalika la mahala, fa zina al-ayn al-nazar, wa zina al-lisan al-mantiq, wa al-nafs tamanna wa tashtahi, wa al-farj yusaddiqu dhalika wa yukaddibuh. Allah a décrété au fils de Adam sa part de zina. Il l'atteindra inexorablement. La zina de l'œil et le regard. La zina de la langue et de parler. L'âme espère et désire, et le sexe confirme cela ou l'infirme. C'est-à-dire que tout cela est considéré comme quelque chose de la fornication. Le regard avec envie d'une femme interdite, ou le fait de parler. Tout ce qui est les choses qui amènent à la zina du sexe. La zina, la fornication réelle, qui est punie d'un châtiment dans la charia, qui est pour celui qui n'a pas connu le mariage, qu'on appelle al-bikr, qu'il soit homme ou femme. Ils n'ont jamais eu de rapport dans un mariage. Alors c'est 100 coups de fouet et le fait d'être expulsé de l'endroit où il vit pendant une année. Et celui qui a connu le mariage, qui a eu un rapport dans le mariage, lorsqu'il fornique, lui, le had en islam est la peine de mort par lapidation jusqu'à ce qu'il meure. Le cheikh dit ensuite, sixième caractéristique, walladina hum liyamanatihim wa ahdihim ra'un, et ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements. Le dépôt, al-amana, désigne tout ce qui est confié, qu'il s'agisse d'une parole, d'un acte ou d'un bien matériel. Celui qui te confie un secret t'a confié un dépôt. Celui qui agit devant toi d'une manière qu'il ne souhaiterait pas voir divulguée t'a confié un dépôt. Et celui qui te remet une partie de ses biens pour les garder t'a confié un dépôt. Quant à l'engagement, al-ahd, c'est ce que l'homme s'impose envers autrui, comme le vœu envers Allah ou les pactes conclus entre les gens. Les gens du paradis veillent donc au respect des dépôts et des engagements, tant dans ce qui les lie à Allah que dans ce qui les lie aux créatures, ce qui inclut le respect des contrats et des conditions licites qui y sont stipulées. Le musulman doit être le plus sûr des gens. Et malheureusement, on voit beaucoup de musulmans, Wallah al-musta'an, qui sont parmi les pires des gens dans ces sujets-là. Et ça, c'est une honte pour eux. En premier, ils se font du mal à eux-mêmes et ils touchent par leurs actes à l'honneur de l'islam, car les koufars, après, voient que le musulman n'a pas de respect de l'amana ou des engagements. Wallahu musta'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne sur laquelle les gens n'avaient aucun doute qu'il respectait ses engagements. Et il a même respecté ses engagements envers Quraysh, quand ils ont dit que ceux qui se convertissent à l'islam et qui vont chez toi, tu dois nous les renvoyer. Et Allah Azzawajal a ensuite interdit qu'il renvoie les femmes. Il leur a interdit de renvoyer les femmes, mais il renvoyait les hommes. Et après ces hommes-là, le premier qui a été renvoyé a été accompagné par des koufars de Quraysh et il en a tué un sur le trajet qu'il le ramenait à Mecca avec eux. Il en a tué un et il s'est sauvé. Et le deuxième est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en se plaignant. Et ensuite, on rejoint cet homme, beaucoup de ceux qui étaient renvoyés, du fait qu'ils rentraient dans l'islam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était obligé de renvoyer, de ne pas accepter Al-Madinah, jusqu'à ce qu'il constitue un groupe qui causait du tort aux kuffars. Au point où, à la fin, Quraysh a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de reprendre ces hommes-là et de ne plus les laisser. Donc l'engagement est une chose sur laquelle le musulman se tient et ne trahit pas. Et on voit dans la Sira Nabawiya, dans l'histoire prophétique, que ceux qui ont trahi, c'était les juifs et les koufars, qui ont toujours trahi. Et c'est pour ça que les musulmans les ont châtiés et les ont punis pour leur trahison. Le cheikh dit ensuite, septième caractéristique, « Walladina hum ala salawatihim yuhafidhun » et qui observent strictement leur prière, leur salah. Salawat, le pluriel de salah. Ils s'attachent à les préserver de toute perte ou négligence, en les accomplissant en leur temps et de la manière la plus parfaite, avec leurs conditions, leurs piliers et leurs obligations. Allah Azzawajal a mentionné dans le Coran de nombreuses autres caractéristiques des gens du paradis, en dehors de celles que nous avons rapportées ici. Il les a mentionnées afin que celui qui désire y accéder s'empare. Et dans les hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on en trouve également un grand nombre. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Quiconque emprunte un chemin à la recherche d'une science, Allah lui facilitera grâce à cela un chemin vers le paradis, rapporté par Muslim. Et la science ici, c'est la science religieuse, ce n'est pas les autres sciences. De lui également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi al-darajat. Qalu bala ya Rasulallah. Qala isbaghu al-wudu'i ala al-makarih wa kathratu al-khuta' ila al-masajid. Ne vous indiquerai-je point ce par quoi Allah efface les péchés et élève les degrés, c'est-à-dire au paradis? Ils dirent, certes oui, au messager d'Allah. Il dit, parfaire les ablutions malgré les désagréments, c'est-à-dire le froid ou autre. Multiplier les pas vers les masjids et atteindre la prière suivante après avoir accompli la précédente, rapporté par Muslim, c'est-à-dire attendre au masjid après avoir prié le maghrib par exemple jusqu'au Isha. Et d'après Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayusbighu al-wudu, thumma yaqul ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabu al-jannati ath-thamaniyah yadkhulu min ayyiha sha'a. Il n'est aucun d'entre vous qui fasse ses ablutions de façon parfaite puis dise: J'atteste qu'il n'y a de divinité et d'une adoration qu'Allah seul et sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, sans que les 8 portes du paradis ne lui soient ouvertes pour qu'il y entre par celle qu'il désire, rapporté par Muslim. Et de lui également, de Omar, celui qui répète les paroles du Muaddin avec sincérité de son cœur entrera au paradis, rapporté par Muslim. Et d'après Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man bana masjidan yabtari bihi wajha Allahi bana Allahu lahu baytan fil jannah. Quiconque construit un masjid en cherchant par cela la face d'Allah, Allah lui construira une maison au paradis, rapporté par le Bukhari et Muslim. Et d'après Ubadah ibn Samit, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad, faman ja'a bihinna wa lam yudayya' minhunna shay'an istighfafan bihaqqihin, kana lahu inda Allahi ahdun an yudkhilahu al-jannah. 5 salats qu'Allah a prescrites aux serviteurs. Quiconque les accomplit sans en rien négliger par légèreté envers leurs droits aura auprès d'Allah l'engagement qu'il le fera entrer au paradis. Rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud et An-Nasa'i. Ces chaînes de transmission se renforcent mutuellement. Et Cheikh Al-Albani l'a authentifié. Et d'après Thawban, radiyallahu anhu, qui a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une œuvre par laquelle Allah le ferait entrer au paradis, il dit alors: Alayka bi kathrati sujoud, فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. Attache-toi à la multiplicité des prosternations, car tu ne feras pas une prosternation pour Allah sans qu'Allah ne t'élève grâce à elle d'un degré et ne t'efface grâce à elle un péché. Rapporté par Muslim. Et d'après Umm Habiba radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. Il n'est pas un serviteur musulman qui prie pour Allah chaque jour 12 unités de salat, 12 rakaat, surérogatoires en dehors des obligations, sans qu'Allah ne lui construise une maison au paradis, rapporté par Muslim. Et ce sont 4 unités avant le dhohr, 2 après, 2 après le maghrib, 2 après le isha, et 2 avant le sobh. D'après Mu'ad ibn Jabal radiallahu an, qui a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: informe-moi d'une œuvre qui me fera entrer au paradis et m'éloignera de l'enfer. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. Tu as certes interrogé sur une chose immense et elle est aisée pour celui à qui Allah la facilite. Tu adores Allah sans rien lui associer, tu accomplis la salah, tu t'acquittes de la zakah, tu jeûnes le mois de Ramadan et tu fais le pèlerinage à la maison, c'est-à-dire Al-Kaaba. Hadith rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi qui l'a authentifié, ainsi que Cheikh Al-Albani. D'après Sa'd ibn Sa'd radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Il y a certes au paradis une porte appelée Ar-Rayyan, par laquelle entreront les jeûneurs le jour de la résurrection. Nul autre qu'eux n'y entrera. Muttafaqun alayh. Et d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima baynahuma, wal-hajjul mabrouru laysa lahu jaza'un illa al-jannah. La umra, jusqu'à la umra suivante, est une expiation de ce qui a été commis entre les deux. Et le pèlerinage pieusement accompli n'a d'autre récompense que le paradis. Muttafaqun alayh. C'est-à-dire le hajj qui est fait sans dispute, sans insulte, sans quoi que ce soit qui le diminue. Et d'après Jabir radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man kana lahu thalathu banatin yu'wihinna wa yarhamuhunna wa yakfaluhunna wajabat lahu al-jannatu al-batta. Quiconque a 3 filles qu'il loge et traite avec miséricorde et dont il assume la charge, le paradis lui est définitivement acquis. On demandait au messager d'Allah: et s'il n'a que 2 filles? Il répondit: wa in kana tasnatayn, même s'il n'en a que 2. Certains pensèrent que s'il avait été interrogé sur une seule, il aurait dit de même. Rapporté par Ahmed. Et Cheikh Al-Albani l'a authentifié. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé sur ce qui fait le plus entrer les gens au paradis. Il répondit: taqwallahi wa husnul khuluq, la piété envers Allah et le bon comportement. Rapporté par At-Tirmidhi ibn Hibban. Et Cheikh Al-Albani l'a authentifié. D'après Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radiyallahu anhu, les Arabes dans la Jahiliya donnaient le nom de Himar car c'était considéré un animal fort. C'était donné pour sa force. Donc c'est pas une insulte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ahlul jannati thalatha, dhu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaq, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi li kulli dhi qurba, wa muslimun afifun muta'affifun dhu iyal. Les gens du paradis sont de 3 sortes: un homme de pouvoir juste, généreux et guidé vers le bien, un homme miséricordieux au cœur tendre envers tout proche, et un musulman chaste s'abstenant de l'illicite tout en ayant une famille à charge. Rapporté par Muslim. C'est-à-dire que le fait d'avoir une famille à charge ne l'amène pas à l'illicite. Il ne demande pas d'argent, il ne mendie pas et il ne vole pas, mais il travaille dans le halal pour gagner sa vie justement. Le cheikh dit: voici donc mes frères un ensemble de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam exposant une grande partie des œuvres des gens du paradis pour quiconque souhaite y accéder. Je demande à Allah de nous faciliter ainsi qu'à vous le chemin vers celle-ci et de nous y raffermir. Il est certes généreux et noble, et qu'Allah vante et préserve notre prophète Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.